La rue, on peut pas la prendre. Un, on n'a pas le temps. Vous avez pas le temps. On n'a pas les moyens. Puis anyway, on n'aura pas d'impact. La violence, jamais. Il y en a, là, quand je vous dis qu'il y a des courriels que je lis pas, hey, on va répliquer coup pour coup, on va être bloqué, nous autres aussi. Bon, j'embarque pas là-dedans. On fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'ils nous fassent. Ouais. Hein, le fameux proverbe. Bon. Fait que si on va pas dans la rue, puis si on se bat pas, ben on colle pas l'armée, Butch, on va rester assis encore comme la dernière fois, on va regarder ça à TV à tous les soirs, on va avoir le goût de vomir, ça va être... Non. Voici comment attaquer. C'est un complexe. C'est, d'une part, le pouvoir de la rue, d'autre part, des médias biaisés, et en bout de ligne, des politiciens pas de couilles. C'est ça qui donne un putsch. Et c'est dans ce temps-là que ça peut marcher. Une minorité de citoyens, des médias biaisés qui décident que ces gens-là, c'est la nouvelle, puis ils parlent au nom de tout le monde, puis des politiciens qui s'écrasent. Comment briser ce cycle-là? Quelle faille détecter? Moi, je pense que notre principal bouclier, notre arme, c'est la loi. C'est l'exemple de Jean-François Moras, qui, lors de l'épisode des carrés rouges, est allé chercher une injonction lui permettant d'accéder à ses cours. Les tribunaux lui ont donné raison. Bon, alors nous, dans le contexte qui veulent tout bloquer, je vous rappelle que le 1er mai, nous ne pourrons pas aller travailler. C'est pas férié le 1er mai, là. Faut rentrer, là. Je sais pas si on peut réécouter juste un extrait de ce que je vous ai fait entendre hier, mais dans la cote, ils disent que le 1er mai, les cols rouges devront rester à la maison. Ils vont tout bloquer. Ils ont pas le droit. C'est illégal à la base. Le problème au Québec, tu l'as-tu celle-là, Jean? Ah oui, donc, hein? On va écouter ça pour se recrinquer un peu, là, matin. Go! Le traitement choc, ça commence le 1er mai. On s'en est parlé. Ça commence le 1er mai. Ça commence. Il faut frapper vite et fort. Ils ont le pouvoir de passer des lois, puis des lois qui nous font mal. Il peut y avoir un décret au niveau des conditions de travail, dans la santé, d'éducation, qui va faire en sorte qu'il peut y avoir des gels de salaire. C'est pour ça qu'il faut frapper vite, il faut frapper fort. Je sais pas si t'en penses, Gilles. Je suis entièrement d'accord avec le 1er mai, parce que le 1er mai, ça appelle des travailleurs, c'est ouais. Super symbolique. Puis ça, c'est un mur, on donne congé à tout le monde. Mais il y a deux autres fêtes très symboliques qui suivent, qui donnent le temps aux organisations de rassembler, de préparer le coup. C'est la fête des Patriotes, qui est très symbolique, avec la démocratie, etc. Ouais. Puis ensuite, t'as la fête nationale, le modèle québécois, etc., tout le nationalisme qui est alentour de ça. Ouais. Donc, il y a une séquence... D'où la bataille de Moscou, je dirais, trois grands fonds. Puis là, à Saint-Jean, là, faut que ça aille. Là, ouais. Il tasse où ça casse. Hey, la bataille de Moscou. Seigneur Dieu. Parce qu'il y a eu 2 millions de morts. La bataille de Moscou, là, il y a 2 millions de morts, là. C'est un peu gênant, là. Les gens se battaient pas contre Martin Coiteux, là. Contre Hitler. Mais c'est tellement stagé, leur affaire. On dirait une pièce de théâtre de secondaire 2, là. Ouais. C'est eu le talent d'acteur, ils l'ont pas bien aimé. Puis là, je vous fais pas tout jouer les extrêmes. À un moment donné, il y a une madame qui dit là-dedans, le 1er mai, là, les gens vont rester chez eux. On va tout bloquer. Ça circulera plus, ça, c'est terminé. Ça va devenir une date historique. On refait, tu vois ça une dernière. Après ça. On va répondre, présent. Juridique, mais aussi dans les rues. Dans les rues. Puis, c'est dans les rues que ça va se faire. Faut brasser à cage. Faut qu'il y ait 24 heures comme il n'y a jamais eu avant. Le 1er mai, là, il y a déjà eu 5 000 personnes. Faut que ce soit historique. Moi, j'ai commencé à parler de ça, l'idée. Puis, nos gens embarquent. Surtout le concept de 24 heures de grève sociale, là, ça frappe l'imaginaire. Puis, enfin, qu'on arrête d'en parler puis qu'on le fasse. Fait que là, on a une responsabilité, nous autres. On est capable de faire les choses rapidement. Tu sais, quand tu crées le timing, là, ben, tu crées quelque chose, une vague, là, ça n'a pas besoin de... Non, ça sent le temps de le faire. De toute façon, ce gouvernement-là, il nous motive en sacrement. Et de toute façon, là, c'est aussi bien qu'on le fasse aussi rapidement parce que tu t'arrêtes pas à réfléchir puis faire le service juridique de toi-même puis d'évaluer toutes les conséquences. Non, mais quand on regarde... Il faut pas réfléchir, hein? Là, faut le faire rapidement parce que tu t'arrêtes pas à réfléchir, tu penses pas aux conséquences juridiques. Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe depuis un bout au Québec? Le grand mensonge, là, c'est le temps qu'on abatte les masques. C'est que les gauchistes font des gestes illégaux et ils sont protégés par les médias, la police et les politiciens. Bon, vous donner deux exemples récents à Québec où on aurait pu se défendre. Et c'est ça que je veux faire pour le prochain printemps. Je veux monter un comité de défense, de vigilance avec uniquement des anciens policiers, des avocats, des citoyens. Deux exemples qu'on aurait pu faire à matin, là. Si ça vous tente de le faire, faites-le. Avant hier, ils ont occupé les bureaux d'Yves Bolduc. Ils sont rentrés une gang de crinqués, tout ça, puis ils rentrent dans les bureaux, ils sont pas invités, ils ont pas d'affaires là, puis ils bougent pas, puis ils restent là. Ça, là, si un avocat peut me renseigner un peu, là, c'est illégal, ça. T'as pas le droit de rentrer chez quelqu'un comme ça, quand t'es pas invité, puis de te placer là, puis quand on te demande de sortir, tu restes là. Ça a un nom, ça. Moi, je pense que c'est une introduction par effraction. Mais vu que la porte est ouverte, peut-être que c'est pas le terme exact. Je suis pas avocat, là. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle la police. Mais c'est, tu sais quoi le problème? Je vais te le dire, le problème. Sur la page Facebook d'un des étudiants qui était présent dans le bureau de Miss Bolduc, qui rapporte, quand on est sorti, il y a un policier qui était assorti puis qui nous a dit à demain en souriant. Ouais, ben, c'est ça, ça, c'est fini. C'est ça, le problème. Ouais, je sais, mais c'est fini. Garde les images à Montréal, à l'hôtel de ville, comment est-ce qu'ils ont eu l'air cave, parce que justement, on les a eus, puis on les a dénoncés, puis il y a eu des enquêtes. Là, il faut porter plainte. Tu prends ton téléphone et t'appelles. Ouais, mais Butch, je suis pas une victime. L'exemple Jonathan Roy. Je m'excuse de rappeler ça, là. Mais voilà un bel épisode où il est arrivé de quoi sur la glace, une bagarre avec Bobby Nadeau. Normalement, la police se mêle pas de ce qui se passe sur la glace. Or, les partisans des SAG, ben crinqués, puis les gens à Montréal, là, les anti-Québec, Claude Poirier et sa gang, ont commencé à dire aux citoyens, appelez la police. Même si vous êtes pas Bobby Nadeau, vous avez vu l'incident, appelez. Et la police a pas eu le choix d'enquêter. Alors que normalement, pour raison ou pas, là, je veux pas rouvrir le débat, mais la police se mêle pas de ce qui se passe à la glace. Dans le cas Nadeau-Roy, il y a eu enquête et procès parce que les citoyens s'en ont mêlés. Ben, c'est ça qu'on va faire. Autre exemple. Hier, ils ont déposé des copeaux de bois à l'entrée. C'est pas une grosse affaire, là, mais ça commence. Un paquet de copeaux de bois sur le parvis du ministère des Finances. Si moi, Sylvain Bouchard, un matin, je prends un pick-up, on va me chercher un peu de fumier ou des copeaux de bois ou je sais pas quoi, puis je m'en vais déposer ça sur le parvis de la FTQ. Pensez-vous que les gars vont sortir, le président de la FTQ et sa gang, mettons, de la FTQ Construction, en disant « Ah, voilà un citoyen qui exprime une opinion de façon imagée, spectaculaire, nous respectons ça, monsieur Bouchard, belle... » Soit je me fais casser la gueule, soit qu'il appelle la police. Peut-être les deux. Peut-être les deux, un peu. Non, mais es-tu d'accord? Oui. Hein? La main, là, m'a mimé comme ça, puis plus de vous pas en parle. C'est fini, là. Plus dedans, là. Terminé. C'est sûr. Je pense. Parce qu'ils vont se défendre. Pourquoi on a laissé passer ça? Il y a des caméras au ministère des Finances. Ne pas me faire à croire qu'il n'y a pas une caméra là. Il y a des caméras dans les bureaux d'Yves Bolduc. Il y a des caméras. Prenez le téléphone, un matin. Appelez la police de Québec. Bonjour, police de Québec. Vous avez le droit, là. Mais faudrait pas être sans. Parce qu'il faut pas inonder le réseau téléphonique. Je veux faire ça classe, clean, là. Ce matin, la police de Québec passe son temps à répondre. Fait que tu te passes le mot. On en trouve 5, 6, OK, c'est vous autres, go. Demain, ça sera une autre gang. T'appelles, bonjour. M'appelle Roger Tremblay. J'ai été témoin d'un geste de vandalisme et de méfait au ministère des Finances. Je souhaite l'ouverture d'une enquête policière et je porte officiellement plainte. Ouais, faudrait que vous vous déplaciez au centre. J'y vais. Ça me prend des craqués un peu, là, du monde qui ont du temps. Pour ça, je dis que ça nous prend une escouade. Des perturbateurs de perturbations. En plein ça. La fameuse perturbation illégale, là. Hey, ils se cachent même pas. Sont-tu baveux? Sont-tu arrogants? Ils se cachent même pas! On va tout bloquer le 1er mai! On va bloquer les rues! On fait des gestes! Occuper des bureaux! Hey, le tweet! C'est illégal! Man, Chris! La police est de mon bord! Les politiciens ont pas de colonne! On va leur faire le printemps! No way! On va arrêter ça là. Là, vous allez me dire, boss, la police fait rien. Il dit, moi, je pense qu'elle aura pas le choix, là. On va mettre une pression sur les élus, sur la police. Qu'ils fassent les manifs qu'ils veulent le 1er mai, je m'en sac. Qu'ils fassent les gestes qu'ils veulent, je les respecte. Mais les grèves étudiantes sont illégales. Les méfaits, les patentes, les occupations de bureaux, les blocages de rue, les blocages de ports, de ponts, c'est illégal. Alors non, on le fera pas. Moi, mon discours, ça a souvent été, on va le faire, nous autres aussi. On va faire la même affaire qu'eux autres. Comme ça, le bordel va pogner. On n'a pas besoin. Nous, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, puis ça me tente pas d'être devant les tribunaux, puis je veux rien savoir de ça. On va faire respecter la loi. Un couple d'avocats en retraite, de policiers en retraite, de citoyens, ça prend pas beaucoup de temps, là. À mon avis, ils sont 50. Il arrive un événement, on en pogne 10, portez plainte. Allez-y. Et ça, c'est le premier volet. C'est le volet criminel, s'il y a des gestes illégaux. Deuxièmement, on dépose des mises en demeure et des injonctions pour chaque action où nous sommes victimes. Genre, ils bloquent une rue à Québec, il y a plein de monde qui passe plus, là. La manif est illégale. On parle pas d'une manif légale où ils ont donné le trajet puis ils sont promenés avec le pancarte. Ça, je vais respecter ça, même si je suis pas d'accord, moi, me battre à mort, ils ont le droit. Je parle de gestes illégaux. Si jamais il y a une journée où on peut pas aller travailler, recours collectif. Contre tous les syndicats, tous les porte-paroles, tous ceux qui ont moussé ça, vous allez payer le bill. Ah, j'ai manqué une journée de travail, moi. Parfait. M'en vais en cours. Excusez-moi, je voulais aller travailler et il y avait plein de travailleurs boosté par un syndicat qui les a encouragés à être là, qui m'ont empêché de circuler. M'en manque. Alors, je mets deux volets à ça. Là. On dénonce les gestes illégaux, on se fait rembourser pour toutes les conséquences économiques de leur perturbation. C'est comme ça qu'on va se défendre. Moi, si on fait ça, ben là, encore là, si je suis seul, et ça marchera pas. Ça me prend une petite gang, là. J'ai rajouté un troisième volet, Sylvain. Oui, donc. Discréditons donc leurs actions par les choses qu'ils publient sur Internet ou qui montrent leurs failles eux-mêmes. Tu sais, parce que depuis que ça se prépare, cette espèce de printemps désagréable, misérable ou whatever, j'essaie de me dire, gars, je vais essayer de bâtir mon empathie puis de comprendre. Ils doivent faire pitié à quelque part. Je veux dire, ils réclament des choses ou quoi que ce soit. Ouais. Mais à chaque fois que je tombe sur quelque chose, je suis pas capable de pleurer, là. Je suis pas capable d'être de leur bord. Je vais te donner un exemple. Okay? Oui, non. Récemment, le FRAPRU, qui est cet organisme qui milite pour le droit au logement, a fait une campagne qui s'appelle Le Logement, un droit. Puis, ils ont fait à peu près une douzaine de vidéos. Là-dedans, il y en a des très intéressantes. T'as des immigrants qui essaient de trouver un logement, des gens qui l'ont pas eu facile, tu sais. C'est des affaires qui viennent te chercher. Mais pour une raison XYZ, ils ont décidé de faire témoigner deux étudiants universitaires. Puis de leur faire décrire leurs conditions de logement. Épouvantable. As-tu une boîte de Kleenex, Andréane? Peux-tu aller chercher des Kleenex parce que... On risque de pleurer. Ouais, on peut écouter ça. Je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans. Je m'appelle Isabeau, j'étudie en littérature. On habite ensemble dans un appartement à 7. Puis on est tous et toutes étudiants et étudiantes. Ben, en habitant à 7, c'est sûr que ça revient moins cher, mais surtout que l'appart est conçu pour 6. C'était vraiment important pour nous que l'appart soit bien situé près d'endroits où on peut manger à bas prix. C'est comme vraiment un bel appart, grand, avec des plafonds hauts, tout ça. Sauf que c'est ça, il y a un mur, mettons, qui est plus ou moins isolé. Là. Toutes sortes d'affaires, la toilette cloche mal. La toilette cloche mal. Oh, on travaille l'été pour pouvoir quand même survivre. Là. En tout cas, s'acheter des choses dont on a besoin, notamment le loyer. Ils sont obligés de travailler l'été, Sylvain, ça n'a pas de bon sens. Un mur mal isolé. Un appart qui est prévu pour 6, finalement, sont 7. Ouais. Un de plus. Il y en a un. Et la toile. Ils ont un grand appart avec les plafonds hauts. Cégep, 1992 à Jonquière. On est 3 dans un sous-sol. C'est pas un gros sous-sol. On est 3. OK? Le tapis est vert, table de billard. Avant de rentrer dans ma chambre, il fallait que je cale. J'ai un bouchard au coin. Sinon, j'avais pas le droit de rentrer. Tous ceux qui venaient chez nous partaient à rire systématiquement en disant « C'est-tu un cours de mini-pot? C'est quoi cette affaire-là? » C'était du gazon, OK? Artificiel, c'était laid. Les murs, là, c'était pas des vrais murs. C'était vraiment du carton, OK? On entendait tout. C'est comme ça que je suis devenu un fan de Kiss à cause de Rémi Nadeau qui était mon coloc. J'ai pas eu le choix. Soit que je devenais fan de Kiss, soit que je devenais fou. Je me suis mis à triper sur Kiss. Mais ta à cause toilette, de Rémi. Clochait-tu bien? Non, pas tout le temps. Petite douche, une toute petite toilette. Mais l'enfer. Ça fait partie du fun d'être étudiant, mais ça. Oui, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, je pense, que mes 3 ans au cégep, à manger de la poutine qui venait d'un snack bar qui s'appelait Les Femmes Battues. On appelait le restaurant Les Femmes Battues parce qu'il y avait le look un peu. Et, ben, sérieux, quand tu rentres là, j'ai des femmes battues. Ouais, évidemment, aujourd'hui, le politically correct, sûrement que le snack bar a changé de nom. Mais à l'époque, c'était ça. Manger ma poutine. Là, ces gens-là sont choyés, ils payent pas une scène quasiment pour leur éducation, c'est parmi les plus bas coûts au monde. Puis ils viennent se plaindre, ils sont 7, l'appart pour 6, ça veut dire que c'est un gros appart. Oui, là. C'est bien situé, on sait-tu, il est où, pour eux? Non, mais s'il est bien situé, j'imagine être proche de l'université. C'est haut. Donc, ça coûte cher quand t'es bien situé. Puis en général, quand la toilette floche mal, t'as le numéro du propriétaire. Ouais. Généralement, là, ou au pire, tu ne sais pas payer ton loyer, tu vas le voir ton propriétaire. Mais c'est ces gens-là, écoutez-moi bien, là. C'est cette petite gang de bébés gâtés-là, d'étudiants, de syndicaleux, puis tout ça. C'est eux qui vont être dans la rue à nous faire chier pendant 2 mois encore. Préparez-vous, là, on va revivre ça. Eux sont prêts. Eux le sont. L'êtes-vous prêts? Y a-tu du monde qui va en embarquer? Je vous le dis, ça en prend pas. Tu sais, ça prendrait beaucoup de monde, puis pas... Qui aurait du temps à donner un peu, juste quand on va lancer le mouvement, mettons, go. Là, un matin, on a un exemple d'un geste illégal qui a été causé au Québec. Go. Porte plainte à la police et un avocat pour un recours collectif si jamais il y a des dommages. Ça, un avocat, ça en prendrait un, là. Ça en prendrait un qui nous suive, qui épouse notre mouvement un peu, qui dit, gars, moi, je suis prêt, là. Si jamais il y a des dommages, des gens sont frustrés, non pas par de quoi de légal. C'est s'il y a une grève, là, dans un milieu de travail, là. Avec une convention collective, il y a des règles. Ça, moi, je respecte ça, là. Les marches, les grèves légales, tout est beau. Mais c'est pas vers ça qu'ils s'en vont. Marc, Alain, Chantal veulent nous jaser. rapidement. Salut, on va commencer avec Alain. Salut Alain. Salut. Je vous écoute. Quand tu regardes les corps policiers qui enquêtent sur des voyous,